Chapitre 37. Le nom. La cuillère de Lazarus tintait musicalement dans sa tasse de porcelaine pour venir à bout du sixième sucre qu'il avait englouti au fond de son thé. Sa langue pointait entre ses dents en une lippe d'écolier appliquée. Les manières du vieil homme le rendaient drôle malgré lui. Il n'inspirait à Ophélie aucune envie de rire. Posée tout au bord du sofa, l'écharpe jalousement blottie entre ses bras, elle ne touchait ni au thé ni au macaron que lui servait Walter, le majordome mécanique. Elle pouvait sentir sur elle l'attention désemparée d'Ambroise qui n'avait pas décelé les lèvres depuis que son père était rentré. Elle consulta Thorne du coin des lunettes pour savoir quelle tactique adopter. Il se tenait très raide parmi la débauche de coussins du sofa, serrant le pommeau de sa canne qu'il avait planté entre ses jambes comme une épée, sans quitter Lazarus du regard. Il avait repris le contrôle de ses griffes, mais elles restaient à l'affût, à fleur de nerf, prêtes à jaillir au premier faux pas. Le seul fait pour Ophélie de se tenir assise près de lui empêchait sa migraine de se dissiper complètement. Lorsque Thorne se vit remettre à son tour une tasse de thé par Walter, il en déversa aussitôt le contenu dans le pot d'un ficus. « Allons, allons, je n'intoxiquerai jamais mes invités sous mon toit !» affirma Lazarus d'un ton amusé. « Je ne peux déjà pas écraser un moustique sans me sentir horriblement coupable !» Le silence retomba, épais comme du goudron. Ambroise observait Ophélie qui observait Thorne, qui observait Lazarus. « Well !» s'exclama ce dernier en faisant tinter sa tasse contre sa soucoupe. « Je vais jouer carte sur table. Oui, je connais, vous savez qui, et oui, je travaille pour lui depuis assez longtemps. J'étais un jeune aspirant virtuose lorsque je l'ai rencontré pour la première fois. In fact, pour être correct, c'est lui qui est venu me recruter. Ce fut une expérience. Comment la qualifierais-je ? » Du petit doigt, Lazarus remonta ses besicles roses sur l'arête de son nez, tandis qu'il cherchait le mot juste. « Déroutante. Un peu comme si je venais de me découvrir soudain un frère jumeau. Vous savez qui ? S'est présenté à moi avec mon propre visage, ma propre voix, mon propre uniforme, celui-là même que vous portez aujourd'hui, jeune lady. » Précisa-t-il avec un clin d'œil de connivence pour Ophélie. « Il m'a gracieusement offert des moyens considérables pour me permettre de réaliser mes rêves d'exploration du monde et ne m'a demandé qu'une seule, une insignifiante contrepartie. Blast !» Walter lui avait resservi du thé jusqu'à faire déborder sa tasse et répandre un liquide bouillant sur son beau pantalon blanc. « Quelle contrepartie ?» le relança Ophélie. Oubliant la brûlure du thé, Lazarus se fendit d'un ample sourire tout en se penchant exagérément sur son pouf. Ses yeux sévères, ses dents et le bout doré de son nez scintillèrent dans le clair-obscur de la pièce. Ce vieil homme possédait une vitalité de jeune homme. Ambroise, grave et immobile dans sa chaise roulante, paraissait le plus âgé des deux. Pour un père et son fils, ils ne se ressemblaient pas tellement. « Une contrepartie extremely simple !» confia Lazarus avec dans la voix une vibration passionnée. « Je devais regarder. » « Regarder quoi ?»« Ce que jugerais digne d'intérêt, jeune lady. Et comme je juge absolument tout digne d'intérêt, j'ai passé chaque seconde du reste de ma vie à regarder pour dire... pour vous savez qui ?» Emporté par son enthousiasme, Lazarus s'était rattrapé de justesse. Il distribua des regards autour de lui afin de s'assurer que les automates qui poussaient les recoins du salon n'avaient pas commencé à reformer leur cercle de lames. Lazarus sortit alors triomphalement un calepin de sa redingote qu'il agita comme une baguette de prestidigitateur. « J'ai pris des notes de voyage, tellement de notes qu'elles pourraient rivaliser avec les kilomètres que j'ai parcourus au fil de mes explorations. » En d'autres termes, songea Ophélie en caressant son écharpe pour se forcer au calme, cet homme était le pion de Dieu. La situation se présentait assez mal. Elle eut un coup d'œil furtif pour la grande baie vitrée que les lampes du salon avaient transformée en glace. Elle les réfléchissait tous les quatre, cinq, en incluant la silhouette sans visage de Walter. Si Dieu n'avait pas de reflet, il était au moins réconfortant de constater que ni Ambroise ni Lazarus n'étaient des imposteurs en ce moment. Il y a de ça une poignée d'années, vous savez qui est revenu me voir, poursuivit Lazarus après avoir bruyamment siroté une gorgée de son thé. Il m'a confié une nouvelle mission et de nouveaux moyens pour la mettre en œuvre. Une mission extrêmement délicate. Trouver l'introuvable Arcanter, ou, faute de mieux, trouver un Arcadien. Le seul que j'ai bien failli rencontrer, soupira-t-il d'un air de regret, c'est cette pauvre Miss Hildegarde. Elle a, semble-t-il, disparu dans de très troubles circonstances. Elle s'est désintégrée. Ophélie leva les lunettes vers Thorne qui venait de prononcer ces paroles. Son profil en lame de rasoir ne laissait rien transparaître, mais, dans la pose qui s'ensuivit, flottait comme une accusation. Elle s'est désintégrée à cause de vous, parce que vous la harceliez, parce que Dieu convoitait son pouvoir familial et parce qu'elle a préféré se sacrifier plutôt que de le rendre plus nocif qu'il ne l'est déjà. De ses doigts gantés de blanc, Lazarus massa son menton imberbe. Une bien triste sortie de scène pour une si brillante architecte. Je n'arrive toujours pas à comprendre comment la situation a pu prendre une telle tournure. Si au moins j'avais réussi à la voir, à lui parler, j'aurais été certainement capable de la convaincre du bien fondé de notre entreprise. Voyez-vous, s'extasia Lazarus en joignant ses mains dans une attitude de prière, vous savez qui est bien davantage que le père créateur des esprits de famille et de la nouvelle humanité. Il ne cherche ni la gloire ni la reconnaissance. Il n'aspire qu'à une seule chose, devenir l'incarnation de chacun d'entre vous. Même moi, qui ne suis qu'un sans-pouvoir, j'ai été touché jusqu'à l'âme par la beauté de son œuvre, par la grandeur de sa cause. Ma naissance fait que je n'appartiendrai jamais, hélas, à sa belle et grande famille. Mais j'emploierai toute mon énergie à rendre ce monde, son monde, plus « perfect » encore. Et tant pis si les lords de luxe ne me jugent pas digne d'intégrer leur rang, du moment qu'ils s'estiment satisfaits de mes automates et qu'ils m'aident à lutter contre la domestication de l'homme par l'homme, je suis un citoyen comblé. Lazarus s'exprimait comme si chaque mot pétillait sur sa langue. Ophélie fut frappée à la fois par sa sincérité et par sa crédulité. Pour sa part, une seule rencontre avec Dieu lui avait suffi pour n'avoir jamais l'intention de se mettre à son service. Elle examina Ambroise à la dérobée afin de vérifier s'il était aussi endoctriné que Lazarus, mais l'adolescent contemplait la surface ambrée de son thé avec une infinie mélancolie. La présence de son père semblait le priver de la sienne. « Puisque nous en sommes à luxe, » ajouta alors Lazarus en adressant à l'uniforme doré de Thorne un regard plein d'éloquence. « Comment diantre avez-vous fait pour devenir l'un des leurs ? La dernière fois que j'ai entendu parler de vous, vous étiez un intendant en disgrâce du pôle, et vous voilà aujourd'hui lord de Babel. » Thorne haussa les épaules. « Je suis missionné par les généalogistes. Adressez-leur vos questions. » Ophélie admirait l'aisance avec laquelle il dissimulait sa nervosité. Il n'aurait pas été très stratégique de laisser entendre qu'il s'était allié avec les généalogistes en vue de contrecarrer Dieu, après tout ce que venait de leur apprendre Lazarus. « By love, je m'en garderai bien !» s'esclaffa ce dernier en briquant ses besicles sur sa redingote. Mon degré d'initiation est loin d'être le leur. Les généalogistes n'ont pas le droit de me révéler ce qu'ils savent, et il en est de même pour moi. Sans vouloir vous offenser, Monsieur Thorne, Sir Henry, ou quel que soit votre nom, je me sens de toute façon surtout concerné par le sort de votre compagne. Ophélie crispa ses mains dans son écharpe dont un pan fouetta l'air comme la queue ébouriffée d'un chat. Lazarus remit ses besicles avec de grandes gesticulations dramatiques pour darder son regard rose sur elle. Un seul mot de lui, et tous les automates de la maison, de la cité peut-être même, se transformeraient en une prison d'épines, ou pire encore. Sa migraine amplifiant, Ophélie comprit que les griffes de Thor n'étaient prêtes à passer à l'offensive si la situation l'exigeait. « Et en quoi mon sort vous concerne-t-il » demanda-t-elle. Lazarus se pencha tellement qu'il se cogna les genoux contre le plateau en cuivre de la table à thé. « À votre avis, jeune lady, pourquoi vous savez qui m'a-t-il chargé du jour au lendemain de trouver des Arcadiens? Pourquoi a-t-il urgemment besoin de posséder aujourd'hui leur maîtrise de l'espace? N'y voyez pas un reproche de ma part, mais c'est à cause de vous. Parce que vous avez brisé le fragile équilibre de notre monde, » articula-t-il avec un sourire indulgent. « Et vous savez qui fera tout ce qui est en son pouvoir pour le rétablir? Ne la dénoncez pas !» Toutes les têtes, y compris le visage vide de Walter, pivotèrent vers Ambroise. Il s'était exprimé dans un murmure impulsif à peine audible. Il rentrait tellement le menton que son turban menaçait de lui tomber sur les genoux et sa main frémissait autour de la tasse qu'il n'avait pas touchée. À en juger par ses yeux grands ouverts, il était le premier choqué d'avoir coupé la parole à son père. « Ne la dénoncez pas !» répéta-t-il néanmoins. « Elle m'a prêté assistance. Je me suis fait la promesse de l'aider en retour. » Ophélie eut l'impression qu'un poids s'était décroché de sa poitrine pour échouer au fond de son ventre. Elle lui avait prêté assistance, elle. Ambroise faisait-il allusion à la fois où elle avait dégagé sa chaise roulante des pavés? Mon écharpe, vous l'avez cherchée exprès. Ambroise acquiesça sans détacher le regard de sa tasse. Elle avait l'air d'être très importante pour vous, miss. Pendant votre période d'essai à la bonne famille, j'ai interrogé les contrôleurs de tramway. J'ai dû insister un peu et j'ai fini par apprendre que votre écharpe avait été déposée au service des objets trouvés. Je suppose qu'elle était affolée de vous avoir perdu. Son caractère, peu coopératif, avait incité le préposé à la placer sous scellé. Il fallait régler une amende pour la récupérer. Je voulais vous la rendre. Je vous l'assure. Tout comme votre sac, d'ailleurs. Ambroise releva enfin les yeux vers Ophélie, puis il les fit doucement glisser sur son père. Il y a eu un imprévu. J'ai préféré cacher vos affaires, en attendant de trouver une solution. My love! S'écria Lazarus avec un grand sourire perplexe. C'est moi l'imprévu, Ambroise! C'est mon retour à la maison qui... Je voyais bien que tu n'étais pas dans ton assiette ces derniers mois, mais si je m'étais douté, pourquoi ne pas m'avoir simplement expliqué? Attends une minute, enchaîna-t-il brusquement en dévisageant tour à tour Ambroise et Ophélie avec une expression de plus en plus stupéfaite. Cette jeune lady, qui crois-tu qu'elle soit? Exactly? Ophélie haussa les sourcils et Thor ne fronça davantage les siens. Il y eut de longues secondes muettes au cours desquelles un vent nocturne souleva toutes les moustiquaires des fenêtres, charriant avec lui le chant des grenouilles et la forte odeur des bassins de nénuphar. « Celle qui provoquera l'effondrement des arches !» souffla finalement Ambroise dans un filet de voix. « Cette autre, dont vous m'avez si souvent parlé, père. » D'un mouvement spectaculaire, Lazarus s'appuya des deux mains sur la table à thé, renversant épices, pots de crème et sucriers. Il se mit à loucher sur Ophélie par-dessus ses besicles, avec une intense curiosité, comme s'il voulait la voir autrement qu'en rose. « Alors ça, » dit-il, « c'est fichtrement intéressant. Je ne suis pas l'autre, » protesta Ophélie. « Elle n'est pas l'autre, » maugréa Thorn. « Vous n'êtes pas l'autre ?» s'étonna Ambroise. « Elle ne l'est pas, indeed !» affirma Lazarus avec une inébranlable conviction. « Mais elle est celle qui l'a libérée. Elle emporte la trace indélébile, et je suis consterné de ne pas l'avoir remarquée par moi-même » dit-il en ponctuant chaque syllabe d'une claque réjouie sur le cuivre de la table. « Vous êtes, vous aussi, une inversée !» Il détailla Ophélie de la tête aux pieds comme s'il s'agissait d'une découverte archéologique majeure. Elle se demandait si elle devait se sentir flattée ou insultée. Thorn appuya l'embout ferré de sa canne contre le torse de Lazarus, dont les élans fougueux mettaient ses griffes à rude épreuve pour l'inciter à reprendre ses distances. Celui-ci se rassit docilement sur son pouf, sans cesser de dévorer Ophélie des yeux. « J'en suis un, moi-même !» lui annonça-t-il fièrement. « Avez-vous jamais entendu parler du situs transversus, jeune lady ? C'est l'appellation que les médecins donnent aux anatomies comme la mienne. Ce n'est certes pas aussi flagrant que dans le cas de mon fils, » dit-il en tapotant la main mal formée d'Ambroise sur la coudoir de sa chaise roulante. « Mais si vous pouviez voir à travers mon corps, vous constateriez que tous mes organes internes sont à l'envers. Mon cœur se trouve à droite, mon foie à gauche, et ainsi de suite. Je suis né ainsi, en libérant l'autre du miroir. Votre symétrie s'est elle-même inversée, d'une certaine façon, isn't it ?» Ophélie opina prudemment. Thorn sortit sa montre à gousset qui commençait à s'agiter et qui ouvrit impatiemment son couvercle pour leur rappeler l'heure. Tout cela était bien joli, mais ça ne leur disait toujours pas où était le sac. Bientôt la cérémonie s'achèverait au mémorial et les généalogistes attendaient le livre qui ferait d'eux les égaux de Dieu. « Nous sommes pareils !» s'enflamma Lazarus avec fougue. « Vous, moi, mon fils, nous sommes des semblables. Cette particularité que nous possédons nous rend tous les trois extrêmement réceptifs à certaines choses. Je ne suis pas surpris que vous soyez devenue une si excellente liseuse. Ambroise dispose d'une sensibilité sensationnelle et j'ai, sans vouloir me vanter, des intuitions qui font de moi un authentique visionnaire. » « Saviez-vous que les gauchers étaient autrefois persécutés ?» demanda-t-il à brûle-pourpoint. « On les appelait les sinistres, à cause de cette perception qu'ils avaient, que nous avons, de l'univers qui nous entoure. Fort heureusement, on ne les persécute plus. Aujourd'hui, vous seriez même étonné d'apprendre, jeune lady, que nous avons ici, à Barbour, une institution qui s'intéresse spécialement aux cas comme les nôtres. » « L'observatoire des déviations, » dit Ophélie avec un choc dans la poitrine. « Oh, vous connaissez déjà ?»« J'y suis allé une fois. Ils ont même un dossier sur moi, enfin, sur Lali. Ils me jugent intéressante. »« Of course, vous êtes intéressante !» Lazarus s'exprimait avec une telle flamme que ses longs cheveux d'argent se dépeignaient à vue d'œil. Il regardait Ophélie comme s'il luttait contre le besoin irrésistible de danser avec elle. « Où cette digression nous conduit-elle exactement ?» demanda Thorn, dont la montre fit claquer son couvercle dans un rappel autoritaire. « Ça n'a rien d'une digression. In fact, nous sommes en plein dans le nœud de notre problème, » dit Lazarus en mimant les guillemets de ses doigts. « Après tout, je suis certain que vous voudriez savoir si je vais, oui ou non, parler de vous deux à Dieu. Ma loyauté envers lui me pousserait à lui envoyer un télégramme sur le champ, mais je commence à croire que ce ne sera peut-être pas nécessaire. »« Père, » l'interrompit timidement Ambroise. Lazarus ne s'en était pas rendu compte, mais au nom de Dieu, tous les automates de la pièce avaient laissé tomber leurs plumeaux pour se diriger vers eux. « Blast !» pesta Lazarus. « Reprenez vos occupations, vous autres. Ce n'est pas ma meilleure invention, » admit-il d'un soupir excédé pendant que chacun regagnait sa place. « C'est la seule solution que j'ai trouvée pour que certains secrets ne sortent pas de chez moi, comme je vous disais, » reprit-il en étirant aussitôt son sourire. « Je ne suis pas impérativement obligé de vous livrer à vous savez qui. Sa plus grande priorité, qui est par conséquent la mienne, est de retrouver l'autre. Or, jeune lady, vous êtes liée à cet autre, et vous serez amenée tôt ou tard à recroiser sa route. Je suis personnellement convaincu que vous aurez plus de chances d'y parvenir à temps s'il n'y a personne pour vous tenir en laisse. » Ophélie plongea son regard dans les replis laineux de son écharpe pour dissimuler la colère qui lui obscurcissait les lunettes. Lazarus lui parlait de sa destinée commune avec l'autre et de l'effondrement du monde, comme s'il s'agissait de faits indubitables. À sa connaissance, aucune arche n'était portée disparue. Ophélie se souvenait à peine de cette nuit où elle avait libéré la créature du miroir. Elle en arrivait parfois même à penser qu'elle l'avait rêvé. Ce vieux fou était en train de leur faire perdre un temps inestimable pour ce qui n'était peut-être que des divagations. Un vieux fou qui commandait une armée d'automates. Lorsqu'Ophélie releva la tête vers Lazarus, ses lunettes avaient retrouvé toute leur transparence. « C'est entendu !» promit-elle en ignorant de son mieux la contraction de Thorn à côté d'elle. « Nous vous aiderons à retrouver l'autre à condition que vous nous laissiez libres de nos initiatives. À présent, ayez l'obligeance de me rendre mon sac et de nous prêter votre aéronef. » Lazarus partit dans un tel éclat de rire que son immense haute forme tomba à la renverse. « Wonderful ! Vous pouvez compter sur ma totale coopération. Ambroise, veux-tu chercher ce que cette jeune lady te réclame ? Walter ? » ordonna-t-il à son majordome en détendant lui-même ses jambes comme de ressort. « Allons préparer le Lazaroptère pour nos nouveaux associés. » Ophélie dut admettre en les voyant soudain quitter le salon qu'elle s'était préparée à de plus âpres négociations. Si Lazarus la croyait sur parole sans exiger d'elle aucune garantie, alors il était aussi naïf qu'il y paraissait. À l'instant où ils furent seuls, Thorn s'affaissa contre le dossier du sofa comme si sa longue colonne vertébrale refusait de le soutenir une seconde de plus. Lorsqu'il décrocha un à un les doigts de sa canne, Ophélie vit que la forme du pommeau s'était imprimée dans sa chair. Il fit une grimace quand il essaya de déplier sa jambe de quelques centimètres, déclenchant par la même occasion un tumulte d'acier et la chute d'un boulon. « Vous avez mal ?» s'inquiéta Ophélie. « Je ne vous ai pas épargné, les généalogistes, pour que vous pactisiez avec Lazarus. » Il n'a l'air ni très redoutable, ni très informé. Il ne sait même pas ce que nous sommes réellement venus chercher chez lui. En prononçant ces mots, Ophélie ne se sentit pourtant pas aussi soulagée qu'elle l'aurait voulu l'être. Pendant un moment, elle avait presque cru que Lazarus était celui qui s'en était pris au professeur Wolf, à Miss Silence, à Mediana et au Sans-Peur. S'il n'avait rien à voir avec cette série d'agressions, la véritable menace restait inconnue. « Les généalogistes sont des égocentriques faciles à corrompre, » dit Thorn. « Lazarus est un idéaliste qui place l'intérêt général au-dessus du sien. Il ne sera pas aussi manipulable que vous le pensez. »« J'ai obtenu de lui un aéronef. Ne me sous-estimez pas. » C'était une boutade, évidemment, mais Ophélie fut prise au dépourvu par l'extrême gravité de Thorn quand il fit descendre son regard sur elle. « Je ne vous sous-estimerai jamais. » Ophélie engloutit d'une traite le thé qu'elle avait dédaigné jusqu'à présent sans se soucier d'en déverser sur l'écharpe qui s'ébroua furieusement. Il était froid, mais il l'aida à faire descendre la boule qui s'était soudain logée dans sa gorge. Avait-on idée de faire des déclarations pareilles d'un ton aussi sérieux ? Elle se sentait plus intimidée maintenant sur les coussins de ce sofa avec le genou de Thorn qui effleurait le sien qu'elle ne l'avait été face à toutes les lames des automates. Quand elle releva les yeux de sa tasse, Thorn avait détourné les siens. Il fixait les motifs du tapis avec un intérêt excessivement marqué. Depuis qu'ils avaient quitté le mémorial, il flottait entre eux un non-dit dont elle ne saisissait pas bien la nature. « Vous m'avez averti tout à l'heure qu'il faudrait que nous parlions, vous et moi. » « Oui, » confirma Thorn avec raideur. « Ce sera nécessaire, en effet. »« J'aimerais vraiment savoir de quoi il... Votre sac, miss ?» Ambroise venait de réapparaître dans un cliquetis mécanique. « Je suis désolé de vous avoir évité comme je l'ai fait, » murmura-t-il. « Je m'étais tellement convaincu que vous étiez l'autre. Je pensais agir au mieux. J'espère que nous resterons amis. » Après tout ce qui venait de se dire dans cette maison, les pensées d'Ophélie étaient trop emmêlées pour lui faire une réponse honnête. Elle n'en eut de toute façon pas le loisir. Le regard incisif que Thorn décocha à Ambroise incita celui-ci à reculer son fauteuil jusqu'à l'autre bout du salon. Ophélie prit une inspiration avant de faire sauter les attaches de son sac. Elle retrouva à l'intérieur sa petite robe grise, ses bottillons d'hiver, le siphon d'eau gazeuse, des biscuits moisis et la carte postale que lui avait offerte le grand-oncle avant son départ précipité d'Anima. Elle sortit alors un ouvrage pour enfants à la couverture pourpre et aux majuscules dorées. « Chronique du Nouveau Monde, l'ère des miracles, écrit et imprimé à la cité-état de Babel, I. dit. Ophélie ne put réprimer le léger frisson qui passa sur ses doigts, en dépit des gants, tandis qu'elle ouvrait ce livre qui avait engendré tant de convoitises et tant de malheurs. Elle repéra sur la page de garde le cachet du mémorial. Elle n'était pas une experte du papier comme la tante Roselyne, mais elle fut fascinée par son excellent état de conservation. Il était difficile de croire ce livre antérieur à la déchirure. Possédait-il les mêmes mystérieuses propriétés que le miroir suspendu à l'intérieur du globe du secrétarium? Lorsqu'elle le parcourut les premières lignes, elle ne s'étonna pas de pouvoir les réciter par cœur. Il sera une fois, dans pas si longtemps, un monde qui vivra enfin en paix. En ce temps-là, il y aura de nouveaux hommes et il y aura de nouvelles femmes. Ce sera l'ère des miracles. Ophélie tourna les pages l'une après l'autre avec une irrésistible impression de familiarité, comme si elle les avait déjà feuilletées de nombreuses fois par le passé. Elle n'avait pas besoin de lire l'histoire pour se la remémorer. Elle se rappelait à présent qu'elle était divisée en 20 petits contes et que chacun d'eux relatait la naissance d'une nouvelle famille. Les maîtres des objets, les maîtres des esprits, les maîtres des animaux, les maîtres du magnétisme, les maîtres de la végétalité, les maîtres de la transmutation, les maîtres du charme, les maîtres de la divination, les maîtres de la foudre, les maîtres des sens, les maîtres du thermalisme, les maîtres du tellurisme, les maîtres des vents, les maîtres de la masse, les maîtres de la métamorphose, les maîtres de la température, les maîtres de l'onirisme, les maîtres de la fantomisation, les maîtres de l'empathie et les maîtres de l'espace. 20 familles, 20 pouvoirs. C'étaient des contes tels qu'Octavio et le professeur Wolfe les avaient décrits. Ennuyeux à mourir. Une fois qu'on avait accepté l'idée révolutionnaire que E.D. était parvenu à anticiper l'avènement du Nouveau Monde à une époque où les arches n'existaient pas encore, ces histoires en elles-mêmes ne présentaient plus d'intérêt. Il n'y avait là aucun mode d'emploi pour s'élever au rang de Dieu. Ophélie se sentit envahie par un terrible, un effroyable doute. Elle remit le livre à Thorne en s'efforçant de ne pas lui montrer son affolement. Peut-être l'information que nous cherchons est-elle codée ? Thorne ne répondit pas, entièrement concentré sur les pages qu'il photographiait des yeux en les faisant défiler à toute allure entre ses pouces. Parvenu à la fin de l'ouvrage, il demeura un long moment voûté sur le sofa, aussi figé que l'armature de sa jambe, avant de tourner lentement, très lentement, son nez d'aigle vers Ophélie. Elle semblait être soudain devenue pour lui une source d'infinie perplexité. Je crois que vous devriez lire attentivement jusqu'au bout, suggéra-t-il d'une voix qu'elle ne lui avait jamais entendue encore. Ophélie remonta ses lunettes sur son nez pour prendre connaissance de la dernière page où elle n'avait pas remarqué, tant l'encre avait pâli à cet endroit, une petite mention manuscrite. En attendant des jours meilleurs, mes chers enfants, Eulalie, Dieu. Ophélie lut et relut en boucle ces quelques mots jusqu'à en imprégner chaque particule de son être. Eulalie, Dieu. Dieu. Dieu. Curieusement, elle ne ressentit pas la moindre surprise. Elle le savait. Elle l'avait toujours su. Et elle se demandait comment elle avait pu oublier quelque chose d'aussi essentiellement fondamental. Le jour où Archibald lui avait demandé de se choisir un nom pour ses faux papiers d'identité, c'était Eulalie qui lui était venue spontanément à la bouche. Eulalie, la femme dont elle partageait la mémoire, ce reflet du passé qu'elle avait aperçu dans le miroir suspendu. Elle se revoyait à sa place, en train de taper énergiquement sur sa machine à écrire, inventant d'innombrables romans pour enfants entre deux coups de mouchoir. Eulalie était Dieu, ou plutôt, Dieu avait été autrefois Eulalie, avant la déchirure. Une petite romancière au nom de famille mal prononcé. Cela ne révélait ni pourquoi Ophélie partageait ses souvenirs, ni comment Eulalie, Dieu, avait réussi à créer les esprits de famille, briser le monde en morceaux et devenir au fil des siècles un mille-faces quasi omnipotent. Mais cela expliquait enfin en quoi un simple livre pouvait permettre à quiconque de devenir l'égal de Dieu. Parce que c'est lui qui est l'égal de quiconque. Parce que c'est lui qui est l'égal de quiconque, murmura Ophélie en caressant la mention manuscrite. Alors qu'elle refermait l'air des miracles, encore secouée par les remous de sa mémoire, elle sentit à la lisière de ses lunettes un regard qui les fixait, Thorne et elle, avec la plus extrême attention. Un regard qu'elle reconnut enfin, celui qui avait épouvanté le professeur Wolfe, Miss Silence, Mediana et le sans-peur, se tenaient dans le salon de thé, en ce moment même. Ils n'avaient jamais cessé d'y être. Accoudé au dossier de la chaise roulante d'Ambroise, Lazarus leur adressa un ample sourire. L'aéronef de ces messieurs-dames est avancée.